fallait le dire, puisqu'il y a beaucoup de gens, même personnellement, m'ont demandé souvent, et Twilight, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Donc là, on fait un petit peu un article un petit peu codicile, qui est intéressant, sur ce groupe majeur du rock progressif français, anglais, pardon. Anglais, oui. À propos des, comme ça, en passant, à propos des groupes anglais, qu'en est-il de Palace? Ouh là là, alors là tu me poses la grosse colle. Je sais qu'il y avait des problèmes avec leur maison de disques, avec OMI, ils étaient un peu en conflit. Je n'ai rien de neuf depuis The Wedge. Hein. Je sais pas trop ce que devient ce groupe, pourtant majeur lui aussi, du rock progressif. Tant pis. Par contre, à propos des groupes qui sont pas encore morts, on peut déjà annoncer un prochain album de Multistory. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça. Voilà. Mes groupes chéris. Qui a enfin un album jusque-là. Et puis, il devrait avoir, incessamment sous peu également, comme on dit, un deuxième album de Castanark. Oui, ça s'était annoncé aussi. Alors, et avec une cassette également. Avec une cassette. Voilà, il y aura tout. Alors, ça, c'est très agréable. En fond sonore, c'était toujours Thierry Fervent. On se rattrape un petit peu pour les frustrés du rock électronique ou planant. On va passer, si le chef opérateur est d'accord, à Double Exposure. Alors, Double Exposure, c'est donc une compilation. C'est le double d'abord parce que c'est un album double. Et aussi parce que c'est le deuxième volume d'une série de compilations faites en Angleterre par toute une série de gens. En général, c'est fait autour d'un groupe. Le premier Exposure était absolument fantastique. Il nous avait révélé entre autres Comedy of Errors, Abel Gance, j'en passe et des meilleurs, Cold Foot. Là aussi, c'est un album qui vaut son pesant de cacahuètes, comme dirait la copine à Tarzan. Bien que je sois assez réservé, c'est un album qui est assez bigarré, qui fait un peu puzzle. Il y a un petit peu de tout pour tous les goûts. Il y a de l'acoustique, il y a des morceaux très courts, des morceaux très longs. Mais disons pour ceux qui aiment vraiment les choses très symphoniques, c'est assez rare. Hein. Je crois qu'il faut le signaler. Ça n'empêche que c'est un album très intéressant. On retrouve différents groupes déjà connus ou carrément des inconnus. Alors les connus, Abel Gance avec un nouveau titre. Rousseau, le groupe allemand qui a sorti plusieurs albums et des compacts. Ça c'est un clin d'œil à Eric. Et un fantastique morceau, je dirais, moi, à mon avis, à mon goût, c'est le meilleur de l'album, et on l'écoutera en avant-dernier, c'est No Man Is An Island. C'est un groupe qui avait déjà sorti un premier morceau sur la compile, numéro 1, et là, qui frappe très très fort, avec un morceau vraiment géant, et chanté. Ah, ils n'ont pas uniquement instrumental. Oui, le premier morceau était entièrement instrumental. Voilà, alors là, vous allez très, voir... Très spécial, d'ailleurs, ouais. Accrocheur, je pense, ouais. Mais là, spécial. Là, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu, je pense. Alors, autre chose aussi qu'on voit, c'est une large ouverture sur les pays latins. On le sentait déjà dans le premier volume. Là, c'est carrément évident. Beaucoup de groupes espagnols. Moi, j'en ai déjà retenu 1, 2, 3. Beaucoup de groupes italiens. J'en ai déjà un sous les yeux, mais il y en a encore un ou deux. Il y a entre autres Nocturno Concertante. Un groupe allemand, Yaek Donith, bien sûr, avec In the City, qui est un groupe hollandais que vous connaissez bien. Voilà, pour dire très rapidement les choses sur cet album. Vous dire où est-ce qu'on peut le trouver, je dirais vous contacter Musea. Je pense qu'il devrait se débrouiller pour en avoir quelques-uns. Pour l'instant, c'est assez dur à avoir. Je n'ai moi-même qu'une cassette. Mais bon, on va faire un maximum auprès de Musea et d'Harmonie et d'Acid Dragon pour le faire venir en France, parce que je pense que c'est une pièce intéressante. Je termine. Mon blabla pour dire qu'il y a un troisième volume qui est prévu mais qui sera fait autour de l'Espagne cette fois-ci et si je ne l'ai pas dit tant mieux, si je me répète vous m'excuserez, Anoxi devrait participer et représenter la France dans ce volume 3. Je pense que c'est quand même intéressant, surtout pour quelqu'un qui est le parolier ici présent. Il rougit derrière son micro. Voilà. Autant que la lampe qui m'indique que le micro est ouvert. Voilà donc pour Double Exposure. Je crois que on a assez parlé. Et on va peut-être lancer l'écoute. Et à chaque morceau, on vous indiquera donc qui chante, qui fait quoi et le titre. On commence avec Abel Gance, Dangers of Strangers, c'est-à-dire donc les dangers des étrangers. Tiens, tiens, tiens. Voilà, Abel Gance, Dangers of Strangers. On va passer à un morceau assez important, tant par la durée que par la qualité. Un morceau d'un groupe espagnol, Galadriel, à ne pas confondre avec un autre groupe qui s'intitule pareil, mais qui est gallois. Non, gallois, je dis des bêtises. Qui est du Un trou, le trou. Le trou monstrueux. De l'Irlande, voilà, voilà, de l'Irlande. Galadriel, d'ailleurs. Je savais bien qu'il y avait quelque chose de celte, mais ça m'échappait. C'était presque donc, ça. Voilà. Donc, ici, il s'agit bien de la formation espagnole qui va nous interpréter Summit, donc c'est-à-dire le sommet. Un morceau, vous allez voir, où domine le piano et qui est assez long, comme je viens d'indiquer, je dois priser les 8 minutes. Great mountain top. silhouettes that cautiously one in front of the other, gazing boldly. As trembling hearts with stamp the glow increased itself, thoughts began to take form, growing slowly. And with deafening silence, the sky unleashed them, or the overwhelming brightness of the heights. Petrifying, the holy radiance of the sacred temple. Voilà, c'était donc... Galadriel. Voilà, j'allais mélanger, j'allais dire Ishtar, c'est pas ça. Hein. Non, c'était Galadriel. Donc un des morceaux clés de cet album, double, je le rappelle, Double Exposure. Donc, vous avez écouté donc Radio Brume, bande à part, il est 10h, moi j'ai 17, est-ce qu'il est d'accord avec 10h17? Il me répond pas. Bon, alors on va passer tout de suite à Rousseau. Rousseau, c'est un groupe majeur du rock progressif actuel en Allemagne, qui a sorti deux albums et qui devrait sortir un troisième chez Musea, si tout se passe bien. Les deux albums ont été convertis en compact disque aux amateurs. On va écouter Breakfast at Tiffany's. C'est pas un morceau inédit, il figure je crois sur leur dernier album. Et il est de toute beauté, c'est un morceau uniquement instrumental, mais attention les oreilles, c'est du pur cristal. Voilà, Rousseau, tout de suite après, une petite annonce. Les 28 et 29 mai 1988, un week-end de fête, un week-end de folie, défis sportifs, concerts, rock, jazz, festival, cinéma, le coefficient fête, c'est les 24 heures de l'INSA. Pendant 24 heures, ils tournent non-stop sur leur vélo, un circuit de 3 km/100, une moyenne attendue de 20 km/h. Pendant 24 heures, d'autres danses s'amusent, Los Mescaleros, Dimsy Comedy, les Ramblers en concert et une nuit dansante, le tout gratuitement jusqu'à l'aube. Les 24 heures de l'INSA, le samedi 28, le dimanche 29 mai 1988, c'est la fête! Rousseau. Voilà, oui. Couper la parole. Ah ouais, alors je suis totalement vexé. Vexé à 22h20 sur Radio Brume 95.5 avec Bande à part, l'émission du rock progressif. Donc après le symphonisme des Allemands de Rousseau, on va passer à l'Italie. Si oui, avec Airspeed. Je voulais simplement dire une toute petite anecdote, c'est que les Allemands prisent beaucoup les noms d'écrivains, puisque bon, on vient d'entendre Rousseau, qui s'écrit exactement comme le grand poète et philosophe français. Il existe également Novalis, on vous a passé plusieurs morceaux de ce très grand groupe allemand. Il y a aussi Öderlin, qui a fait aussi beaucoup de choses pour le progressif en Allemagne, et qui est aussi le nom d'un très grand poète romantique, si je dis pas de bêtises, allemand. Voilà, petite parenthèse intéressante. Je voulais rajouter également Zarathoustra, en anecdote. Oui, aussi, là, n'est-ce pas ? Ainsi parlait Zarathoustra, voilà. Le titre d'un album d'un groupe du même nom. Tu l'as dit ! Voilà, donc j'ai dit qu'on passait à l'Italie. C'est oui, quoi ? On va passer à l'Italie avec Airspeed, c'est-à-dire La Vitesse de l'Air, un groupe italien avec un morceau un petit peu plus musclé que le précédent. Bah, avec un nom Far comme ça. Far Away Scream, c'est-à-dire donc les cris du lointain. Voilà, toujours extrait, c'est une exclusivité, c'est inédit, je dirais, sur Radio Brume, mais même en France, puisqu'il ne doit pas y avoir grand monde qui vous passe Double Exposure, la magnifique compilation qui vient de sortir et made in Great Britain. Voici donc Airspeed. Yes, boy. Voilà, après Airspeed, un groupe italien, on va partir chez le voisin latin, l'Espagne, avec un groupe Heimdall, H-E-I-M-D-A-L, et un titre qui évoque aussi les sommets, puisque c'est Somnis, son titre, donc un peu comme Summit tout à l'heure de Galadriel. Un morceau très intéressant aussi, donc Heimdall, groupe espagnol. Mai no había tanto Voilà, c'était Einmal, donc un groupe espagnol. Et passons tout de suite, sans plus attendre, à No Man Is an Island, le morceau, un des morceaux clés, je crois, en tout cas, c'est mon morceau préféré de cette double compilation qui a été faite autour de ce groupe, No Man Is an Island, qui figurait déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le volume numéro 1. Voilà, c'était exactement ce que je voulais dire, que voilà. La compilation était basée autour de groupe, donc une compilation qui est intitulée Double Exposure, que vous pouvez entendre en exclusivité avec Bande à part, l'émission du rock progressif, sur Radio Brume 95.5. Tu l'as dit, Bouffi. Voilà, je rappelle également en tant que Bouffi le numéro pour ceux que ça intéresserait, le 78 89 45 05, c'est le numéro de Radio Brume. N'hésitez pas à appeler si vous voulez en savoir plus. On va donc passer aux Anglais de No Man Is an Island Except the Isle of Man, qui est le titre exact du groupe. Ouf, c'est difficile. Et le titre du morceau, J'arrive pas à lire. Faith Last Doubt, c'est-à-dire le dernier doute de la foi. Voilà. J'aime beaucoup le titre, il y a une contradiction au sein du titre qui est très très un clin d'œil assez ironique, qui est assez agréable, je pense. Oui. Je pense que c'est d'ailleurs tout à fait une parenthèse tout à fait à part, ce qui nous permet de voir que l'anglais est nettement plus approprié à faire des paroles sur des morceaux, parce que le dernier doute dans la foi, ça fait un peu moins beau que Faith's Last Doubt. Voilà, mais en plus, c'est un groupe qui a l'habitude de faire des jeux de mots, des calembours, puisque le titre, comme tu l'as dit, aucun homme n'est une île, puisque no man is an island, except the Isle of Man, sauf l'île de Man. Et on sait que man veut dire homme. Voilà, c'est très puissant. Il ne reste plus qu'à écouter la musique. C'est le cours d'anglais de ce soir, et on lance tout de suite No Man is an Island. Professeur British vient de parler. Lost and bathed in blinding light.